L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de votre radio locale pour le jour de la diffusion et le samedi suivant pour le jour de sa rediffusion. Commençons par le commencement, par vous présenter nos invités, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, avec qui nous parlerons de différentes choses, mais en particulier du spectacle Baron Perché de Mathurin Boltz, qui sera à l'affiche prochainement à l'Apostrophe, évidemment. Nous serons également en compagnie de Silver Santin, comédien pour le spectacle Nobody, sur une mise en scène de Cyril Test, d'Olivier Letellier, metteur en scène de deux spectacles, Maintenant que je sais et La nuit où le jour s'est levé, et enfin Monique Arvouette, pour la mise en scène du spectacle La Mante anglaise de Marguerite Duras. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Olivier Letellier, vous êtes metteur en scène, artiste associé au Théâtre National de Chaillot, c'est votre actualité toujours ça ? Oui, bien sûr. Nous allons parler de deux spectacles. Le premier, les deux sont intimement liés l'un à l'autre, mais le premier, il s'agit de Maintenant que je sais. C'est un travail qui va être présenté dans le cadre d'un projet écriture de plateau destiné à des publics jeunes. C'est l'un des trois volets de ce travail de création. Projet laboratoire, ai-je lu, puisque vous menez un projet en direction des écoles primaires, des collèges et des lycées. On va parler plus particulièrement de celui qui est destiné en direction des lycées, c'est ça ? C'est ça, oui. Maintenant que je sais, donc qui a été écrit par Catherine Verlaguet et qui est un seul en scène d'une jeune comédienne qui s'appelle Jeanne Favre. Je disais projet de laboratoire, quand on associe le mot laboratoire à théâtre, on s'interroge forcément. C'est une rencontre particulière entre le théâtre de récit et le travail sur le langage destiné au public jeune. Oui, c'est ça, le laboratoire, ça a été un petit peu toute l'occasion de chercher comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces jeunes, comment est-ce qu'on va parler de cette thématique qui était au cœur de nos préoccupations, à savoir l'engagement, comment est-ce qu'on parle de politique aujourd'hui à partir d'une histoire qui s'est passée au Brésil en 83 et comment est-ce qu'on va pouvoir trouver les mots pour leur parler à eux au plus juste de cette histoire-là et qu'ils se sentent impliqués, concernés. Ça, c'est l'histoire comme point de départ dans le travail qui va être mené en direction des établissements scolaires. De base, c'est l'histoire que je suis obligé d'anticiper et de parler déjà du deuxième spectacle. On est parti d'une histoire vraie, donc l'histoire d'une amie qui, en 1983, est partie au Brésil par hasard. Et elle s'est retrouvée par hasard dans un couvent où elle a assisté à une naissance. Et ça a été pour elle une rencontre très très forte. Et donc je vais pas raconter toute l'histoire, mais du coup ça a bouleversé toute sa vie. Dans cette histoire-là, mon amie Suzanne, elle a eu quelques rencontres avec des gens, des femmes notamment, qui l'ont aidée dans toute son aventure. Et on a eu envie, à travers le laboratoire et puis à travers donc les différents spectacles, les trois solos, et donc Maintenant que je sais est un des trois solos, de développer l'histoire de ces femmes qui sont un peu les personnages secondaires de l'histoire. D'accord. Centrale. C'est clair ? À la fois clair et un peu complexe malgré tout. Trois étapes sur la thématique de l'engagement. Donc ça, c'est ce qui va être réuni dans une grande forme qui sera présentée au mois de mars à l'Apostrophe au Théâtre des Arts. C'est bien ça ? C'est ça. Alors c'est pas les trois solos qui sont réunis pour faire une quatrième forme, mais c'est vraiment une quatrième forme à part entière. C'est une quatrième histoire, vraiment qui elle est aussi une histoire de femme et qui sera racontée par trois garçons. L'idée, c'était vraiment que chaque spectacle puisse être une forme à part entière, que quelqu'un puisse venir voir un spectacle et ne se sente pas obligé d'aller voir. C'est pas comme une série où il faut voir les différents épisodes. Chaque chose peut se compléter, peut s'enrichir, mais chaque chose peut être aussi complètement indépendante. Revenons un instant sur le travail en direction des établissements, là des lycées pour le spectacle Maintenant que je sais. Comment se produit, parce qu'on n'est pas tout à fait dans un spectacle quand on est hors les murs et particulièrement là dans l'espace d'une classe de lycée. C'est ça. Alors l'idée, c'était justement d'aller au plus proche, au plus près des lycéens, et donc d'utiliser ce qu'on trouve dans une salle de classe, à savoir des tables et des chaises. Et le décor devient ces tables et ces chaises. La comédienne est seule, et en fait, les partenaires de jeu deviennent les spectateurs qui sont... où là, on déplace un petit peu tout le mobilier pour créer un espace qui va du coup devenir les différents espaces de la narration. Donc l'histoire démarre quand la comédienne est à son bureau et les spectateurs sont assez loin, et puis petit à petit elle s'approche et elle s'adresse aux spectateurs individuellement comme s'ils étaient le partenaire avec lequel elle dialogue, et puis elle échange pour aller s'adresser à un autre qui devient un autre partenaire, etc. Et donc le public est mis au cœur même de l'action, puisque ça se passe tout près d'eux, ça se passe, ils se voient puisque le public est disposé en quadrifrontal. Et j'avais envie justement de mettre les spectateurs au cœur de cette action, au cœur de cette histoire, pour qu'ils se sentent davantage impliqués. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. J'allais dire, c'est une manière d'impliquer directement ces jeunes spectateurs, du moins ces lycéens, en l'occurrence concernant cette série de dates en intervention sur Cergy Pontoise. On sait bien que quand on mène un travail théâtral en direction des écoles primaires, en direction des collèges, voire aujourd'hui en direction des lycées, il faut s'adapter pour impliquer le public jeune. Oui, forcément, puisque de faire du spectacle au jeune public, c'est déjà se poser la question du public auquel on va s'adresser. Donc ça veut dire qu'on va essayer de prendre en considération dans notre manière de faire ce qu'ils sont, à savoir ils n'ont pas forcément le même rythme que ce que l'on faisait comme on faisait du théâtre avant, c'est-à-dire qu'il y a l'image est omniprésente, ils ont une habitude de zapper, et encore c'est même plus le bon terme, de passer d'une image à l'autre très très vite, d'un thème à l'autre très très rapidement, de pouvoir suivre plusieurs conversations en même temps, et donc du coup on avait envie aussi d'essayer d'adapter le rythme du spectacle à leur rythme à eux, pour aussi toujours les surprendre, aller au plus près, faire que c'est une rencontre humaine, puisque c'est ça le théâtre, hein, c'est d'avoir une comédienne qui est là en chair et en os et qui vient s'adresser à eux. Alors ça les déstabilise beaucoup au début, et puis très très rapidement en fait ils se prennent au jeu, et très rapidement ils n'ont qu'une seule envie, c'est de suivre ce que ce personnage vient là au plus près leur raconter. Ce lien, cette proximité physique doit favoriser effectivement leur participation, leur implication. La salle de classe, donc j'ai bien compris, c'est l'espace de jeu, une manière de montrer que le théâtre peut vivre, se développer en dehors d'un théâtre physique. Oui, oui, c'est ça, c'était aussi l'idée de se dire que pour faire théâtre, il suffit simplement d'avoir un comédien, un auteur, des mots, une histoire à raconter, et puis un public pour la partager. Moi, je viens du conte, quand on raconte une histoire, il suffit simplement d'avoir des oreilles pour l'écouter, et donc c'était de mettre cette chose-là, et de mettre quand même dans une théâtralité, puisque l'espace est très très très important dans cette forme-là. Alors, juste rappeler que pour ce travail in situ dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées de Cergy Pontoise, ça se passera du 20 au 24 février prochain, où la participation des élèves sera évidemment sollicitée. Maintenant que je sais, revenons sur le spectacle lui-même qui sera présenté cette fois-ci à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, les 2, 3, 4 mars. Pour le tout public, c'est bien plus que du théâtre. J'ai lu que vous associez, il y a une forme de dialogue entre théâtre, cirque. Oui, c'est ça. L'idée encore, c'était de raconter une histoire, mais aussi de mettre des images. Alors là, d'utiliser tout ce que la machinerie théâtrale peut nous apporter, le son, la lumière, mais aussi les corps dans l'espace, pour qu'une histoire qui soit... peut-être un peu linéaire, fantastique, parce qu'elle est, mais réelle, qu'on puisse y mettre des images qui soient métaphoriques pour que chacun des spectateurs, puisque c'est ce que j'aime moi dans mon travail, puisse faire appel à son imaginaire et cheminer comme il a envie un petit peu dans une histoire qui est juste proposée. On a bien compris que, y compris pour cette série de représentations, la nuit où le jour s'est levé, on reste sur la thématique de départ qui est celle de l'engagement. Oui, c'est vraiment l'histoire de cet ami qui, en 83, part au Brésil et va voir toute sa vie bouleversée par la rencontre avec cet enfant qu'elle a vu naître. Un travail qui a nécessité, je crois que c'est un projet qui s'est développé sur 3 années, avec 3 étapes comme on en a parlé, voire la 4e avec la nuit où le jour s'est levé, spectacle et création qui était présenté déjà au Théâtre National de Chaillot. Oui, on l'a créé en novembre de cette saison, en partenariat entre le Théâtre National de Chaillot et puis le Théâtre des Abbesses, Théâtre de la Ville à Paris. Quel a été le retour des spectateurs pour ce que vous avez déjà pu en recevoir ? Excellent, c'est-à-dire que les gens sont très très touchés par cette histoire, par justement le mélange entre ces 3 garçons qui racontent l'histoire d'une femme, qui racontent l'engagement de cette femme, qui racontent le courage de cette femme, et puis aussi toutes les images, toutes les métaphores que l'on peut se faire avec l'engagement physique de ce circassien dans sa roue, toute la poésie que ça peut générer, quoi. Sur scène, 3 comédiens ? Oui, 3 garçons. 3 garçons. 3 conteurs qui sont là pour nous raconter et faire vivre les situations et les différents personnages à différents moments. J'ai indiqué spectacle pour public jeune, mais on peut venir en famille. Exactement, c'est toujours la même chose. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que moi, j'adore voir dans une salle des enfants, des parents qui sont là, qui rient, qui ne réagissent pas de la même manière, pas au même moment, et où les enfants regardent leurs parents parce qu'ils rient sur un jeu de mots, et puis les parents regardent leurs enfants parce qu'ils rient sur une situation physique, peut-être, ou une situation qui eux les fait rire, et chacun s'interroge, et après, du coup, après les représentations, les gens discutent de ce qu'ils ont vu, échangent de leurs différents points de vue, et comme il y a aussi cette part d'imaginaire, chacun peut aussi projeter des choses que l'autre n'aura pas vues, et du coup, il y a forcément plusieurs niveaux de lecture, et c'est ce que j'aime dans ce théâtre tout public, où chacun s'approprie l'histoire. Et on l'a créé en novembre, mais depuis, ça a déjà beaucoup tourné. On est parti en tournée en Bretagne, dans le sud de la France, un petit peu partout, en région parisienne. Et à chaque fois, les retours sont assez unanimes sur cette histoire qui est à la fois très touchante, très forte, et qui est menée tambour battant, un petit peu comme au rythme d'un polar, où du coup on est suspendu à cette histoire de savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont arriver au bout. Juste pour éveiller ma curiosité, le rapport avec le cirque, en particulier la roue cire, c'est ça ? Oui, la roue cire, c'est un agrès qui est un seul anneau, comme une grande roue, un grand hula hoop, hein, dans lequel le circassien évolue en faisant des figures acrobatiques, des figures qui ne seraient pas possibles sans cet agrès. Très bien. Eh bien, nous avons l'envie, évidemment, d'aller découvrir tout cela sur scène à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy. Ça sera pour les spectateurs les 2, 3 et 4 mars 2017, la nuit où le jour s'est levé. Création donc mise en scène par Olivier Letellier. Merci à vous. Un grand merci à vous. À très bientôt donc. Suite au spectacle présenté par Olivier Letellier, nous allons évoquer avec Jean-Joël Le Chapelain le Fonds d'aide à la création mutualisée, le FACEM, du Festival théâtral du Val d'Oise, puisque l'un des spectacles, La nuit où le jour s'est levé, a bénéficié d'une aide à la création. Jean-Joël Le Chapelain, c'est quoi le FACEM ? Alors c'est un acronyme qui veut dire Fonds d'aide à la création mutualisée, en effet, et qui est un dispositif qui a été mis en place par le Festival théâtral du Val d'Oise il y a quelques années pour permettre au lieu du Val d'Oise d'accompagner des créations et donc de faire bénéficier des équipes artistiques de moyens plus importants en rassemblant les petits ruisseaux font les grandes rivières, à ton coutume de dire. Donc c'est un peu dans cet esprit que ce FACEM a été créé et accompagne depuis plusieurs années des projets artistiques significatifs qui ont la particularité non seulement d'être aidés à la création, enfin d'aider à la production du spectacle, mais aussi d'être accueillis dans plusieurs villes du Val d'Oise. Et là, c'était le cas avec ce spectacle d'Olivier Letellier, puisqu'il a été présenté dans le cadre du Festival théâtral, qui évidemment n'est pas en ce moment, hein, qui a lieu en novembre-décembre chaque année, mais la tournée, y compris aujourd'hui de ce spectacle, dans ce mois de mars, bénéficie de cette aide à la création mutualisée.

et elle développe progressivement, dans les 40 minutes de son entretien, un univers poétique où le style de Marguerite Duras fleurit de façon époustouflante, vraiment. Merci Monique Herouette, metteur en scène, je disais donc, du spectacle L'Amante anglaise de Marguerite Duras, qui sera à découvrir au cours de cette nouvelle saison 2016-2017 à l'apostrophe, ici à Cergy Pontoise. Merci à vous. Merci. Suite à notre rencontre avec Monique Herouette pour le spectacle L'Amante anglaise, peut-être Jean-Joël Le Chapelain nous préciser aussi que c'est un spectacle qui va être en tournée dans le Val d'Oise. Pourquoi c'est donc proposer des spectacles comme celui-ci, mais également comme maintenant ce que je sais qu'on a évoqué tout à l'heure, pourquoi les proposer hors les murs dans une programmation d'une scène nationale comme l'apostrophe ? Il y a deux raisons à cela. La première des raisons, c'est qu'il existe des projets qui ont pour vocation d'être hors les murs, c'est-à-dire qui ne sont pas pensés pour être diffusés dans des salles de théâtre. C'est le cas du spectacle Maintenant que je sais, qui est conçu par le créateur lui-même pour être joué dans les salles de classe en milieu scolaire. Donc ça, c'est une bonne raison de le faire hors les murs, puisque le théâtre n'a pas de salle de classe, évidemment. Et donc, c'est une dimension dite de décentralisation avec nos interlocuteurs du monde de l'enseignement, qui sont très nombreux, hein, puisqu'on a énormément de partenaires, soit sur le Val d'Oise, soit sur l'agglomération. Et donc, c'est en particulier vis-à-vis de ces interlocuteurs que sont dessinés ce type de projet. Et puis, il y a une autre dimension qui est celle de spectacles qui, eux, sont conçus pour des salles de théâtre, mais qui intéressent ou qui peuvent intéresser nos partenaires du Val d'Oise et auxquels nous proposons chaque année, dans des rencontres que nous organisons maintenant depuis plusieurs années, des rencontres d'échange et de communication de nos projets culturels pour la saison suivante. Et que dans ce cadre-là, un certain nombre de théâtres sont amenés à se positionner sur des propositions qu'on peut leur faire. Et donc c'est ainsi qu'on a pu organiser cette année une diffusion particulièrement significative du spectacle de Monique Herouette, L'Amante anglaise, qui n'aura pas été présenté d'ailleurs sur les scènes de Cergy Pontoise, mais en revanche l'aura été à Éragny, l'aura été à Pontoise, l'aura été à Vauréal, l'aura été à Aubonne, en donnant ainsi une lisibilité départementale assez intéressante à ce spectacle, qui est une petite forme, et qui, au sens où il n'y a pas de décor important, et qu'il peut être présenté à peu près partout, bien que ce soit un spectacle à part entière d'une heure et demie, qui vaille le coup à plus d'un titre, notamment du fait de la mise en scène et du fait de son auteur, Marguerite Duras. Occasion de décentraliser le spectacle vivant dans un département comme le nôtre. Faut-il rappeler que l'apostrophe scène nationale de Cergy Pontoise est également scène nationale du Val d'Oise? Oui, c'est d'ailleurs normalement un établissement ressource, on pourrait dire tête de réseau, sans aucune priorité donnée à cette institution par rapport aux autres, sauf ses responsabilités qui consistent finalement à permettre le plus possible le partenariat et faire en sorte que la culture que nous diffusons, que nous défendons, que nous promouvons, et bien que cette culture, elle soit partagée le plus possible par les acteurs du territoire avec lesquels il y a un lien constant. Et donc cette décentralisation fait partie de cet aller-retour, hein, le théâtre jouant à ce moment-là le rôle à la fois de phare, n'est-ce pas, au sens où on y voit des choses qu'on a du mal à voir ailleurs sur le département, et puis de miroir, en cela que dans chacun des lieux on peut retrouver des projets qui sont tout à fait du niveau de ce qui est proposé dans nos scènes à Cergy Pontoise. Place à une deuxième proposition musicale, cette fois-ci faite par Silver Santins, avec qui nous avons pu aborder le spectacle Nobody, présenté dans le cadre de Périphérique Festival des Arts Mêlés, 13e édition. Thank you.